Have you heard lately? Have you heard the radio show? C'est nuisance, nuisance, nuisances. This is all for you. Oh yeah, this is all for you. Yeah, baby. Et mes amplis, ils font du bruit. Incidemment, nous sommes le vendredi 21 avril 2017. Eh ben, je l'ai pas fait tout à l'heure. Ça. Nuisance, c'est du bruit, et du bruit, et du bruit, et du bruit, et du bruit aussi. Fucking noise. the same thing, you know? Kinda. Saying it's like this, you know, it's like this, you know, it's like this, you know, it's like this, yeah, you know, it's like this, you know, it's like this. Oh. c'est pas ça, c'est autre chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'autre. Tu comprends maintenant la vérité, petit bonhomme ? Tu sais ce qui se passe, qui se trame dans un... Non, j'allais dire dans une sonde rectale. Tu sais ce qui se trame dans le cerveau d'une sonde rectale ? Tu sais ? Si seulement tu savais. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on vivrait ? Qu'est-ce qu'on vivrait alors ? Qu'est-ce qu'on pourrait rigoler ? Si seulement tu savais ce que c'était qu'une sonde rectale, petit bonhomme. Mais tu ne sais pas. Alors, puisque tu ne sais pas, je vais te montrer. Une sonde rectale, c'est ceci. Arrête. Arrête de faire ça. Arrête, j'ai dit. Pourquoi tu m'écoutes pas ? Pourquoi tu m'écoutes pas, j'ai dit. J'ai dit, pourquoi tu m'écoutes pas, j'ai dit. Hey ! T'arrêtes maintenant. Non mais c'est quoi cette affaire là? Tu racontes toi. Arrête. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux quoi exactement là? Tu veux quoi là? quelqu'un m'entend au fond du trou de l'espoir. Le trou de l'espoir, je l'entends, je suis au fond du trou, je l'entends, le front de libération du trou de l'espoir. Quelqu'un m'entend, tel que la carte bleue, pissenlit, pissoli. Si j'avais un marteau, je me taperais la tête avec. Si j'avais un marteau, je me taperais la tête avec depuis longtemps. C'est pour ça que mon Giorgio, il m'en a filé un en rigolant. Et en même temps, quand t'as 8 ans, il y a de ça un an, quelle que soit la personne, j'ai pris le marteau et je l'ai mis à teuter mon potio. Ainsi va la vie qu'à la fin elle se brise et mille écharpes. Le verre, vers qui vole-t-il? Vers qui? As-tu entendu par mes gardes la dissonance? Et quand ta mère, se débarque, toi, elle disparaît, elle t'abandonne. Elle en reste 10-12 ans, je sais pas quoi. Elle va de toute façon être une embrouille. En plus, je ne l'ai pas. Mais alors, j'ai appris dernièrement que c'était... C'est pour ce genre de ça. Ouais, ouais. Et j'ai appris dernièrement qu'en fait, c'est vraiment une histoire de famille. Elle aurait dû même poser avec un pétard. C'est qu'en fait, elle est hébergée dans le truc pour les... manants. Tu sais que... There's something going on. Château, un truc à la con. Il se passe quelque chose, les gars. Des, comment on appelle ça, des dépendances aussi. Il se passe quelque chose. Comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pour bientôt. La mère, donc de la fratrie, elle est hébergée. Mais loin. Toujours maintenant, jamais, toujours pour maintenant. Non, parce qu'après, sans faire de sans psychologiser ou faire de la psychanalyse à deux fois, un truc qui m'a toujours frappé, moi par exemple, je pèse le père, c'est que c'est. Comment ça s'appelle? C'est une pupille de la nation. Tu vois, c'est un mec de la NAS. Non, non, mais je veux dire, dans la psychologie, tu vois ce que je veux dire, dans la psychologie de qui peut fabriquer quelqu'un. Je. Ah ouais, c'est. Je veux savoir. Savoir la vérité. Je veux savoir la vérité ce soir. Dis-moi la vérité, toi, ce soir, là-bas. La PAC a-t-elle raison de nous torturer? La PAC a-t-elle raison de nous torturer? Alors, a-t-elle raison la PAC de nous torturer? Elle a raison la PAC de nous torturer la PAC. T'as passé le bac, la PAC. La PAC, la PAC, la PAC lauréat du bac. Mais le bac, tu l'as pas? Tu l'as pas, petit con. Et je t'aime pas. Je te déteste. Connard. Ni loi, ni travail. Canal Sud 92.2. Canal Sud 92.2. Sans foi, ni loi, ni travail, il n'y a rien qui vaille la peine d'être vrai cul. Cul nu. si c'était facile. Je dirais cunnilingus. De la langue dans le cul. Dans la chatte. Et le clito. Riz. Pour se rappeler des morts. Gentil alouette. Alouette. Je suis déplumé. Je ne reconnais pas mon fief. Je ne reconnais pas mon fief. Ton fiel ? Et mon fiel. Et mon fiel. Et mon nous. Et mon nous. À l'ouest. Je suis à l'ouest. Alouette. 90 fois 2 FM ou canal supranel. Alouette. Alouette. Alouette. Avez-vous entendu l'annonce ? Produit de la ferme. L'annonce est telle que tant tergiversant qu'à la nomenclature dorée du four absconce, virgule, elle brise les vagues lumineuses d'une écharde de nuit. Si j'aurais voulu avoir un fantasme, c'était de me faire donner par ma mère à mon père. Donne-moi ton père. Mon père, il est mort. Et en plus, c'est vrai, là, on fait pas de la littérature. Prends-moi de travers. Ton père est nié. La première personne du singulier, Al. Pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vois. Je... C'est pas comme tu, tu vois. Tu vois ? C'est... Tu vois ? Je... Non. C'est pas... Non. Ouais, en fait, tu parles toujours tout seul. Je ne parle pas, non. À toi-même. Je ne parle pas, non. Je Parce me tais. En fait, il doit y avoir 1,2 auditeurs. Ou auditrices. Parce qu'à 1,2, on sait pas. Allo le bar. Allo le bar. Allo le bar. Allo le bar. Hasta la bodega, siempre. Putain, y'a pas de cendrier dans ce bar de merde. J'en ai marre, moi. Je vais prendre, je sais pas, moi, de la kétamine et je m'en pète plein la gueule et tout. Ouais, vas-y, vas-y. Parce que nous, on est ses francs, on dit pas Ziva. Oh la merde. Et je vais vous chanter des aïe-coucou dans le cul. Tu m'as parlé ? Il parle tout seul. On l'entend pas, il parle hors du micro. Et moi, oui, c'est normal. Je vais vous faire un tour. Ça, c'est bien de retenir la radio. Au moins, ça s'entend. Alors... Aïe ! En t'étant. C'est prendre ici, si j'y... Se citer là-bas, la peur d'être, de s'inventer, anormal, moi malin, rasé, fruit sec ouvert, d'une belle barbaresque, au piano triste, de l'envoi gratuit d'une matinée brève au presbytère. Je n'en ai rien dit. Entends le drame. Rien rajouté, écoute l'autre fois fatale. Pourquoi ne pas à l'envers étaler la pâte ? Haïku 2. Rendre le réel. Réel. Et singer le plein. Le plein air. Toujours tout. Vivant, vrai, radio hurlante. La ridée s'époumonne, l'estomac rempli, L'homme réveillé loin du bris des nuages rêve du lointain. Or, nier l'idée d'étendard au vent salin d'amour, d'été, c'est savoir rire de soi, du déni de soi, infini, sous vous, mais délivré. Vous le savez, vous en êtes de ceux qui savent. Haïku 3. Savez-vous pas vous taire ? Ciel vert virulent, eau sombre lumineuse, pin jaune vibrant. Une grue plantée là, attend cruel la levain, quand la pierre persiste. La nature seule, au retrait complet des dieux, se joue des naissins. Et c'est pas encore fini. Comme l'humain flou à bricoler le vital s'agite en vain. Tous soumis, en lit, à l'azur radiant forcé, d'éviter le pis. Comment tu peux faire ça? Alors j'avais rien dit au départ. Haïku 4. 3, 2. La palme au vent, de la glace titube, des assauts, des halls. Le transcendantal terrible oubli, dévié, de sa course, rond. Où il fallait l'oublier, détester, penser l'appel des cigognes. Clé. Du 5, du 7, roussilet, clair, obscurci, fin, par la morte du contemporain, assis, rassis, résigné au malheur, figé. Je voudrais vous annoncer que au bout du tunnel, il y a une ouverture, ça s'appelle The Aperture, c'est l'ouverture du bout du tunnel, The Aperture, c'est l'ouverture du bout du tunnel. Merci. De rien. Allez, prenez à droite et maintenant tournez sur vous-même. Ah oui, je voulais vous dire un truc essentiel et utile, c'est qu'en fait, j'ai découvert avec ma nouvelle voiture, dans mon GPS, en fait, on peut faire de la dérive de bordienne, comme l'internat situationniste, parce que tu mets le programme le plus court d'un point à un autre, et en fait, ça t'amène dans des terrains totalement défoncés et des lits de rivière. Et c'est totalement vrai ce que je vous dis, c'est mon expérience qui parle. J'ai jamais parlé quand on a envie ici. C'est toujours la même chose avec moi. Je sais pas me mixer. C'est terrible. Donc je me déteste alors. Merde. Elle reste là. Elle reste là. Elle racle le fond du lugubre placard. Effilé, misanthropélié, ouais, yeah, lait. Eh ben, c'est ça le truc, le lait. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas du lait. Il faut en parler, il faut prendre parole. Prends parole! As-tu entendu la solution? La solution est là. Elle est là, même que ce que je dis, c'est vrai. Elle est là, sa solution. Et pourtant, c'est toujours la même chose. Pourquoi c'est moi et pas toi qui vois pas ce que je vois pas? Merde. Merde. Merde. Il y a un mec en train de venir avec un marteau. Il faut que j'aille lui répondre. Il casse des clous. Il casse des clous avec le marteau. Il faut que j'aille lui répondre. Il faut que j'utilise. Transpire, mec. Transpire. Ouais, quand je me regarde dans la glace, quand je vais pisser, ben, je ressemble à un vieux hippie. Dis-moi comme il y en avait dans les années 40. Moi, il y a 40 ans. Dis-moi ça encore, mais plus fort. Tu vois, tu peux le mettre. Tu peux le mettre parce que je le suis. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que on tease un peu. Mais moi, je vois rien, je suis aveugle. Parce qu'on veut pas aveugle. Savoir. On veut pas savoir. Aveugle. La vérité. Aveugle. Pourquoi faire? La vérité. C'est nous. C'est toi. C'est obscur. Obscurantisme. Obscurantisme que cette vérité-là, je le dis, absconce. Territoire. Adversité. D'où elle vient cette respiration-là? Hein? Pas de nous, certes non. Alors, d'où elle vient cette respiration-là? Haïku 5. Pèse personne. Et ceux qui m'enchantent. Oxymore trivial, né. D'où ça vient? Rouge clownesque. D'où ça vient? Tragico-comique. Je n'ai pas encore compris. L'individu dénombré croit à l'unique. Seuls. Ils sont sept seuls. Impossible érigé en idéal, loin de l'idéal. Seuls sept personnes. Seuls pour issue ça. À nos malheurs terrestres, non mesurables. Sept personnes savent. Tant innombrables. C'est actuellement que seules sept personnes. Qu'à choisir. Maintenant, soyons les fous. L'actualité est que assemblés, sept reliés, personnes savent tout ce qu'il faut savoir quand on est ces personnes-là. Oui, je sais. À écoute 6, institutionnel, ronronnement d'éthique, éthique. L'art officiel tue. Le corbeau du sens. Du cri de vouloir être, expression du cœur. Sinon, regarder, dire, raconter, humer, de près ne se peut. Dans ce monde mort d'apparence factice, de cocktail en coke. Vas-y, moi, l'esprit vendu à l'acmé de la corruption du vide. Car quoi ? Narquois. En l'art. Car quoi? Narquois, car quoi? Vas-y, mormolne. Mormolne, ouais, mormolne, dis-le, mormolne. Mormolne. Mormolne. Haïku 7. Mormolne. Laissez tôt aller. Se rappeler le feu du feu. Elle risote. Gémir d'idéal. Con leche. Soumis à l'étalon or. Con gluten. Et mépriser l'art onction. Avec du sucre. Rajouté. Sinon se taire. Vitamine enlevée. À déflorer l'armure. Raison d'être. Morsure idolâtre. Ray. Lumière. Instant. Graisse. Tanné. Déjà ténébreux. Ravi. Alité. Le rêve ajouté. Étant l'humain se lasse. Prompt. Prêt. Vitamine au final enlevée. Réel. Réalité. Non, chimie est le blasphème, chimique est la latence du domaine. Haïku 8, différé inscrit et s'oublié, malfaisant, réduit au néant, se servir puissant les délires enchanteurs d'une étable. Où est passé? S'automatiser, criant néerlandais. Où est passé? Découvre d'envie, d'amour, hey. Expulsé, d'estime, de soi soulagé, du mépris, du moi. Revers d'une médaille, rançon d'octobre rouge. Où es-tu? Serve de l'attention. As-tu vu? As-tu? Tu? As-tu tout vu? Merde. Comment se fait-ce? Découvrir l'erreur. Comment tu peux m'entendre? Découvrir l'erreur. Mimer l'humain supérieur, se détacher vain. L'esprit nerveux. Cri nervi vis. Tu. Ou l'art de jouir. Rhizome pluvieux. De l'ombre des âmes d'ici. Réduire en songe pour défendre la dérive narcisse qui clive là-bas. Ici-bas, refaire les défaits du système, tôt plongé d'or frais. Haïku 10, musique de noir. Le jazz, c'est pour les blancs becs. Trop plein de thunes, dans les fouilles d'un or futur. Au contraire, la houle tord l'eau d'avoir la morgue. De l'inconscient sexué, seul véritable, l'eau douce d'or, un moineau chevauche l'air qui porte l'avion, drapeau qui flamme en sursis sur sa rampe au feu du soleil. Haïku 11, renaît l'astre et caresse la rétine du pain mariné, des colverts boivent. l'eau du canal et ses brous en groupe dru d'elle. Espèce vaine. C'est le talent d'Achille de la technique. Une petite bite d'or. Le talent. L'ouvrage c'est le talent d'Achille de la technique. À l'instantané, il rêve de la fouiller, souvent en réel. C'est le talent d'Achille de la technicité de l'astuce du destin. Talentueuse vif, réaction. De l'éjaculer. Inadvertance. Poser le micro tout en advertance. Admettre. Pourquoi pas? Après tout, c'est vrai? Laissez la place. Non. Tu ne feras pas cela. Ce que je te dis que tu voudras. Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Non, tu ne le feras pas ce que je te dis que tu dois le faire. Tu ne le feras pas. Non. Qui a compris la situation? La situation n'est pas encadrée, comme certains le diraient, entre parenthèses. Non, la situation n'est pas celle exigée, exégète, non plus, non. Sinon, sans forfanterie, quand même, c'est haïku, il pète. Hein. C'est de la frappe. Pardon, hein. Excusez-moi, je... J'en pète le bonheur de l'antenne dans le cul de ces auditeurs et auditrices qui s'en foutent de moi. Ils en ont rien à parler. Et on est là, c'est tout ce qu'on en a à foutre, tu sais. Ouais. Ouais. Seen the color. Have you seen color? Il a fait caca. Le mec qui fait caca, tu sais. Et c'est à ce moment-là que ça fait caca, tu sais. Alors j'étais en train de dire à ce moment-là c'est non, pourquoi tu fais ça? Gueule moins fort, tu dépasses la borne. Et maintenant c'est parfait, tout est beau avec le corps de l'esprit, de l'âme de l'arme du corps de l'esprit. Oui. Nuisance, l'émission qui n'est au sens, l'émission de toutes les nuisances. Sur canal sud 92.2 FM ou canal sud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95, une adresse le 40 rue Alfred Duméril, 31 400, Toulouse, en France. Pourquoi pas? Je sais pas, je sais. Sur terre. Le thème de ce soir, l'instrumentation microphonique. Déblatérance, ce temps, là, les esprits étaient fécondés. C'est cadastrement. Comme ça. ça marche pas. Parce que ça pue. Dans les chutes. Maintenant, sans plus d'imagination, mais même dans les mecs qui dépendent du Styx, les Styx sont là, à travers les manches, toujours. Merci pour me penser. Le conseil se trouve à côté de la place du puits au fond du trou, au fond de la mémoire. Ouais. Allez, bar! Allez, bar! C'est Michel qui nous sait, c'est Michel toutes les Osses qui fait un spécial pour vous. Tous ceux qui veulent voter ce soir, et bien moi, je ne sais quand, je m'en fous. Et bien votez, vas-y. Et tous ceux qui ne votent pas, votez pas. Et tous ceux qui. Les autres, quoi, je me dis, mais aussi, c'est vrai. Il y a besoin de gros chasse pour être. Bond, Master, Sam Lars, DJ. Comment ça en fait c'est... Tout le truc est excellent en fait. C'est ça, c'est du feedback. Attends, les CD aussi. Les deux CD. Regarde, c'est en fait ce que je suis content. Tu vois que je suis content parce que j'ai une platine avec deux CD. Ouais. Une table de mixage et ça. Un émetteur, un compresseur et un micro. Une pédale d'effet et je peux faire du master noise. J'ai pas besoin d'un PC pour faire. Ouais. Et donc ça y est, avec mon petit son de masse et mon petit visa. On peut tout entendre. C'est bon la vie. Et je crois que cette idée elle vient de moi. Tu m'entends? Vas-y, non, ben, que je suis de toi. Vas-y. Tranquillement. Ah, c'est vrai, alors tant mieux. Alors. C'est vrai, il est bon chiant. Ouais. On m'a montré la salle, elle était verte. Quoi. C'est de la pâte. Et moi, je sais pas, franchement, c'est pas du jardin, c'est pas ce qu'on du jardin, mais c'est genre. Des résolutions et tout. Ouais. Je crois pas en astrologie, mais tu sais, le horoscope, c'est de la merde. Ouais. Par contre, c'est un. Le printemps, l'effet du printemps. Ouais, bah l'effet, l'effet du pré-printemps, c'est le mois du bélier. Hein. Ouais. Tu connais ce truc-là en astrologie? On regardera. Le mois du bélier. C'est genre c'est avant l'année, quoi. C'est pour l'année à venir, tu vois. Je me souviens que le mieux, alors ça a l'air d'aller pas mal. Peut-être, j'espère. Je souhaite. Et du coup, ouais, toujours là, le petit Larsen, ça vient du Bah alors il y a le Larsen micro, et feedback, ça vient de Larsen en fait. Ouais. C'est la même technique, tu vois, on nous entend là, tu vois. Parce que, en fait, la pression atmosphérique, acoustique, électrique, la tension électrique, tout ça c'est la même chose. C'est ça le but. Si je veux rassembler les moyens d'expression qu'on a à notre disposition et les laisser en libre accès pour une libre expression, une expression libre, libre de droit, libre de devoir, libre de planification. Vous supportez? Vous supportez pas? Mourez avec moi. Haïku 12 déstabilisé, rompu tel le fétu, lisse, brûlé, déguisé, pour nourriture, terrestre, matériel comme un trajet, lumière, honneur du réel vécu senti, nous rappelle nous, humains immortels, aux vices perpétuels, trop près d'oublier l'effet des forces, des champs de l'immanence, des blés moissonnés. Haïku 13, il y a des siècles, des pensées désapparues par la croyance transcendantale meurtrie, que verbe foi ou loi romaine enchaîne chair mort, amène le kidam à se sacrifier, présent sur l'autel d'un ciel, absent mythifié, en futur rêvé, irréalisé, par l'impossible divin vendu en vrac. Haïku 14. Cognacier, mûrier, framboisier, vigne gorgée d'amour, sucrée, phase du plaisir d'exulter joyeusement, d'être pleinement ce bonheur ami par soi-même, accueilli, prise comme est cette offrande. Onde de vitalité nue, ce don partage au groseillier, à la taille improbable, même grossière. Haïku 15. La fonte tarie, le temple cholé vide, la vie en suspense, les nuages verts, quand notre fait d'enfance souligne le temps des chiens mouillés, des maîtresses gueulardes, le silence ploie la parabole de ce monde. Image est univoque, là à attendre au passage du tendre l'ouvrier libre. Haïku 16. Une rumeur d'été estropiée au printemps fait renvoie des râles irradiant tentant l'âme astrale déchue, bannie du songe et même l'ode au zénith du trop aisé arc trapézien, du jeu instrument des lubacs comme l'adret vers le pomponné vis et verso. Oh, l'impossible amour de petite mort. Et écoute 17, mise en scène, trace obligée formelle d'une peinture, l'amitié sabrée sans nul bruit qui nie octave au son du canon, puis se voit au bro des oives au clairon qui trompettent vrai. Lire champagne, apologie d'art du brut, de l'oubli, d'être à se savoir nié, en herbe, en âge, sauf vivant à mort-né. Et on n'a encore rien dit. C'est Canal Sud, 92.2 FM, ou canalsud.net, avec 3W2. Et c'est le téléphone de Canal Sud que je vais réciter encore une fois, le 05 51 53 36 95, l'adresse le 40 rue Alfred Duméril. Il est 22h20 et c'est Nuisance. Émission qui nuit au sens. Émission de toutes les nuisances. Haïku 18, par son tropisme d'if, il le défonce, lui, l'arbre mort. Sans moyen d'errer, le sable sanglant outré, en dune nouée. Sauf à crier, le chêne d'obscène rit, de pire menstru. Pour tout maudit, de l'âge de la terre, du jouir le jour su. D'elle pur totem, l'humanité, l'ici-bas, d'un réel logos. Haïku 19. Une justice anglo-morde des détresses ravit le sapin. Idée mortelle, l'amour fiel au masculin. Signe l'orme or. Rivet exsangue, somme de gravillonné, il plaît au tout venu, pour s'admettre à l'infini, pour mise à jouer, sans fin, comme le final d'une aporie feinte de fin septembre. Haïku 20, un tremble louche, en mue mystification, embroche l'esprit, du plein boudiné du charme et sa miction, de noyer l'urne, débit des dépits, pipi de bière, d'onomatopée, du pourquoi du stop, des strates, de l'ennuyeux, à nous mortifier, à s'arrêter là, souple tel un jonc. Moi, doublé, empesé. C'est toujours le même jour, toi, avant de ce que tu dis. Haïku 21, en un article des mots moteurs, naissent les mythes, mire réflexes, où les ténébreux aveux des vitres sont teints, soulignent l'inouï, la face ensoleillée de la phrase tue, de l'hominidé à surjouer l'atroce, du tragique fort, sensible ni but, dévoré par le feu, bleu, des spasmes, des airs. Le sable, chaud, une plage, de l'air, de l'eau, ah, le ciel bleu, le sang dans l'eau, la méduse, la mort au fond de l'eau, dans l'abyssal, infinitésimal, obscurantisme. Haïku 22. Souffle le vent, vit au pôle du frimas, vexant le lierre grimpant, à enrubanner le néflier étouffé, quand le merisier décharge l'inné de responsabilité. Responsabilité de toi-même. Construit. C'est toi qui as écrit le caractère morceau, en rapide. Ce bout de la queue, le pied, en dessous de ça, pied, du tumultueux, le pied dans du mon flot. Pied, dans le elle titube. Mon pied, le torchon dans mon pied. Pleine élargie. Je suis un torchon de pied. Un torchon de pied. Amuse-moi, petit bonhomme, mais ne te déçois pas dans l'aventure. Haïku 23. Des taches du vrai, l'un désordonné teinté se vêt de l'habit aux taches usées, quand la lumière moche rectisse, récitatrice trouble par l'autoradio définitivement sec, d'air moderne par timidité faute de flamme vive, boit tout son squelch comme dessaisi, ange banni et conduit du festin des ions. Haïku 24. Il était noirci au fond du canal dévié, rare imberbe, biscornu bétail du système révélé. Il forçait le trait, lascif pour son bien. Il estimait en pâtre à l'abri des toujours, pour toujours, à jamais maintenant. À jamais. Des dés. Toi et moi. Des douanes de fées. Tu sais. Depuis les âges profonds. Tu sais quoi. Du mois du genou. Et. C'est pas parce que. Arrière des lois. Surpris lui seul dans ses choix. C'est pas parce que. Les allait subir. La lobotomie anale. Une tergiversation. La déblatération scandale. D'une altération. À l'idéal. Idéal. Oh là, fais gaffe, tu vas faire du reggae. Eh, hey, mais. Fais gaffe, tu vas faire du reggae. Merde. J'ai ça va faire route. Ça va faire route, tu vas voir. Dans à IQ 25, résumer l'envie, soumettre le désir, si à servir par vœu, elle, vieille, voilée, là-bas, au loin, là-auto, quand, c'est tartare, barbare, arrière, du moi, oh, du soi, très tu dois subsumer sous l'artefact de l'humain, parle, elle périsse frais, fière, soumise, genrée, heureuse parfois de se vivre abreuvée. De cacacao. Et à ce point là, à IQ 26, croiser l'océan, à disperser ses cendres, certifier cramé, c'est respirer côté jardin nébuleux comme un vrai lieu, porter son chagrin rapproche l'auteur du vol d'un halo exquis, infernal, d'eau poissonneuse, d'ombre nue, à se moucher en un pleur salin. Sa perte à l'huile t'épouvantant du pourquoi sans un cas, sans un chat ni fil. Ce n'est si ni pi qu'à la Naranapaka. Kalachnikov. Qu'elle a remarqué, je l'ai dit, c'est Kalachnikov. C'est là le drame. On ne comprend plus rien. Et le non-sens, il prend sa place. Et là, à ce moment-là, le drame, c'est qu'on capte pas. Et tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? On comprend pas. Alors, j'aime pas ce que tu fais. J'aime pas ce que tu dis. Mais tais-toi. Mais tais-toi. Mais tais-toi. Mais c'est pas moi qui suis moi. C'est toi qui es toi. Et toi avec moi. Et toi, t'es moi. Et moi, t'es toi. Et c'est moi. Et moi le funk j'aime pas ça, et j'aime pas le disco non plus, et j'aime rien en fait, et c'est ça le bouton avec le pu, sale. Alors quand j'appuie dessus et que ça suinte, j'aime bien éjaculer en même temps que la plainte qui monte vers la lamentation du mur obscurantiste, toujours hantise, antinomiquement nommé. La nomenclature dorée, obscurantiste, au four. Allez, maintenant, les enfants, au lit. IQ 27. Au lit, les enfants. En gris, repeint de l'harmonie bleue. Est, nu, puisé dans l'enfer, le démenti on est, fort on du nègre au pic sommet de son lignage. Juste là pour s'emmerder. Les si les le rire vit, déployer l'axe dévié et siffler les vers. C'est pas parce qu'on n'a pas fait la même chose. En la rhapsodie d'isme, d'hymne d'enfance enchantée, perdu, il juxtapose tumulus d'arrivée. Que la dernière fois, ce n'était pas la dernière d'année. Chose que la même fois, avant, derrière. À IQ 28, rescapé des temps vides, non, ce n'est pas possible. Les missionnaires détachés. Tu ne peux pas tout. Me dire cela en roulé, tant que. Roulé, fin roublard, il se décrit en un seul. Nomenclaturance. Comme un lâche. Tu m'entends? Tu m'entends? La rature, elle est dorée lui, ou pas humain, la rature. Et pour lui, elle est dorée détestable, incompatible. Elle est dorée, la rature. Le rêve large au déploiement tu d'amour la fier. Des mammifères. Ah. Sauf des gourous, des tomatures ratées. Ah. De la vraie folie. Ah. Oh. Oh. Oh. Non mais ça va pas. Qu'est-ce que tu crois? Tu décrois, non? C'est plutôt ça. IQ 29. Je ne vois pas, je suis la lame. Croyant fini, grognasse, thermisée, merde. Ouvre les cuisses. Oui. Éructe ravi, soumets-toi au fort rempli du plus étrange, oui. Pire, hurlant, puis, pieuse de la banane, c'est ça. Vous soyez l'or ce n'est pas dans encore. La levrette. Toujours. Défile les ténèbres de l'outil Dieu, oh oui. Tout en merci, fini. Et tout en tout cercueil plombé là, de vie renversée. Le mer, le azur bleuté. Alors, écoute, 30. Qu'en faire pour un jour d'été, froirable d'un hiver dénié, des fils d'orage, de neige morte, de turpitude des temps, ballotté de vent. Alors que non. Cru, tournicotant, de c'est l'énergie vitale d'un monde usé, c'est jusqu'à la vrai. Moelle, substantifique, pousse à la dérive, substance. Un incontinent cadavre d'humanité. Fait futur de four. Substance de mort. Aïe coup 31. Juste entre reins serrés, radieux, aimanté, aimé, vient inouï. Ukulélé-là. Retenu, rejoint, hors fer, au délice si vite. Enfin prêt pour l'instant exquisé, l'enfer des saintes, parfum par parfum, décrire l'inutile, désirer l'effroi. Bienvenue, vous êtes les malvenus. Comme la peinture avec les pieds et la bouche, les mecs ils écrivent là, pour se leur pied. Haïku 41, où l'orthographe remplit le rôle d'appel au sang des sangsues. C'est fini, les haïku, coucou. Merde, alors, tu veux que je te passe un texte à lire, petit bonhomme, ou grand bonhomme peut-être? Non, j'ai peut-être le truc, je vais raconter le truc que j'écris en ce moment là. Vas-y, ah, ouais, fais ce que tu veux. Chapitre 1. Si t'es pas là, t'es... Ici où débute le récit. Et d'ailleurs, personne n'est là, tu sais. Là. Des platanes plantées là paraissaient à se languir de positive voir se tordre de rire man, des drapeaux français qu'arboraient des bâtiments de la marine nationale ancrés proches de la grève contiguë où la Tédis mouillait. C'était le printemps. Une femelle colvert. Sans colvert, poursuivi, harcelé par un mâle en rut, finit par se laisser prendre d'un tir d'aile quand elle n'eut plus la force de lui échapper. C'était la fin du jour. Somme toute, le crépuscule naissant, disposé à prendre le temps de se vivre comme sans fin, s'appréciait comme éternel de par l'infinitude que lui offrait, de par sa rotation permanente et sa rotondité, l'astre ou les enfants, comme le reste de l'équipage de la Tétis, avait échoué. Une espèce d'anticrénelage astocastique ou de mise en place en quelconque d'un calcul mathématique, comme l'aurait dit le Kidam, se vautrait dans la fange insondable qui était devenue ce monde où les quelques humains, fruits de coïts sexués non interrompus, étaient devenus résiduels. Des clones développés par ectogénèse sur base de prix Nobel tenaient le haut du pavé de cette société où le hasard n'avait plus cours. Excepté les robots comme les machines à intelligence artificielle, la production matérielle s'organisait autour de l'exploitation de clones façonnés à partir de la génétique combinée de Mike Tyson et de Mohamed Ali, l'esclave Cassius Clay, tout en préservant leur couleur à telle fin de faciliter le travail des forces de l'ordre et pouvoir discriminer ainsi le bon grain de l'ivraie d'un simple coup d'œil. Pour ces clones fabriqués pour leur part sur le fondement du génome du bon blanc Marius Pudziagowski, les enfants, le capitaine, le Bosco, la radio, le nain aux orteils monstrueux d'au moins 5 mètres, le clown magicien Fakir, qui formait l'équipage de la Tétis, se sentaient déjà mal à l'aise dans ce monde non viable. Malgré tout, ils finirent par débarquer. Il leur fallait vraiment partir à la recherche de l'unique femme à la taroupe majestueusement gigantesque qui devait leur procurer l'essentiel de l'essentiel. Outre ce concept inintelligible au demeuré moyen, l'équipée se devait de récupérer de surcroît un minimum d'énergie pour pouvoir relancer la course de leur navire. Ils prirent le long chemin d'en face. Arrivés au bord d'un lac, pris par les glaces, ils eurent l'impression de s'être égarés. Pourtant, tous les signes de la présence à proximité d'un guide âne en mesure de les aider, ils finirent par conclure de la possibilité d'une île ou atteindre le dégel où l'intervention du dit recueil d'initiation était probable. Ils prirent la tangente approximative qui devait les amener à la récipiscence de n'avoir pas emporté leur compas de route. Ils se perdirent au milieu du lac. Ils montèrent leur bivouac pour la nuit. Aucun d'eux ne put s'endormir. Les craquements permanents de la glace ajoutés aux cris des bêtes tapies dans les bois alentours sans qu'un quelconque peintre ne soit en cause, les poussaient à être inquiets. Au bar de la marine, dont les lueurs au lointain vacillaient, des pêcheurs au trou, repus de la consommation de leur prise du jour, enivrés par leur libation nocturne, gueulaient jusqu'à plus soif. La Gironde tenancière, native de Castel d'Orte, bien qu'à la tolérance infinie, n'en pouvait plus. Elle conçut un sortilège destiné à faire dessouler une Union soviétique tout entière. La geste de l'aubergiste semblait féerique au point que son but pouvait paraître atteint en un claquement de l'index. Quelle ne fut pas la surprise quand, au lieu de dégriser ses hôtes, les pics psalmodies qu'elle brailla les firent tomber dans un sommeil tant profond qu'il dura 15 jours. Pour autant, les enfants ne dormaient toujours pas. Un bruit de moteur hors bord perça le silence qui était enfin installé. Bizarre sur un lac gelé. En fait, c'était une motoneige qui brisait le calme tout précaire de ce décor. Une sylphide chevauchait la machine. Le nain aux arpions énormes prit peur. Ne s'était-il pas échappé de la grotte dans laquelle on l'avait condamné à garder sous la conduite du vieux de la montagne le trésor bâti? Une dernière heure pouvait-elle sonner? Tous prirent le temps de se poser eux-mêmes la question. Fabriquant des scénarios d'excuses plates, reprises avec les remords malgré son absence oublieuse d'habitude totale de vergogne. Le génie de l'air mit fin à sa course près du camp. Depuis leur igloo collectif, au travers de la neige gelée, devinait par transparence la présence belle et subtilement mâle de cet Amazon aux moon boots sagement fuchsia. D'un détour de main, elle sculptait une dizaine de nuages à telle fin de décrire le chemin qu'ils devront suivre à leur réveil. Elle disparut en lançant sur place son engin motorisé. en lançant sur place son engin motorisé. Elle disparut en lançant sur place. Au bar de la marine, Ginette, la gironde patronne, rangeait sa cuisine. Le bar avait l'air d'une auberge de jeunesse ou bien d'un refuge de montagne. Les pêcheurs endormis, écroulés sur leur table, ronflaient à l'unisson. L'arpège qu'ils formaient créait l'harmonie du lieu. D'accord en accord, ils soulignaient le confort vrai de l'établissement qu'avait pris soin Ginette de fonder par l'intérieur douillet qu'elle avait construit. Vibrionnante, Ginette achevait son service. Le Bosco, le clown, magicien fakir, succombait dans les bras de Morphée. Nyx les avait pourtant prévenus du danger de s'offrir à leur fils. Leur addiction aux opiacés les avait trahis. Le lac glacé jouait le rôle de miroir. L'oubli de soi dominant le reste de l'équipé. Tous et toutes sombrèrent, eux aussi, dans le sommeil. Quant au réveil, ce fut un bordel monstre. Toutes, tous arboraient des comme stigmates de la nuit passée, à leur cou, des suçons, ou comme disent les Québécois, des sucettes. Par pur concours de circonstances ahurissantes, le lac était dégelé aux prémices de l'aurore. Par la chance qui caractérisait le campement qui finit par fondre comme tout le reste, avait été bâti sur l'île qu'ils cherchaient. À eux de trouver le guide initiatique qui devait leur fournir les attendus de leur quête. Ils firent route. Les pêcheurs au trou les suivaient de loin en loin. Un des leurs, accoutumé plus que les autres à la trappe, s'ingéniait à pister les enfants de par l'odeur de l'air. Suivis, ils commencèrent à s'inquiéter. Qu'avaient ces prédateurs à leur vouloir? C'est digne de faire des fonds.

c'était pas connecté. Ça, j'en repasse. Ouais. Je sais ce que tu veux dire. Vous écoutez Nuisance sur Canal Sud. Sur Canal Sud. Sur Canal Sud. Sur Canal Sud. Sur Canal Sud. Sur Canal Sud. Sur Canal Sud. quand même vraiment le truc, le côté que c'est intéressant, quoi. Tu vois, quel que soit le truc que tu vois, c'est intéressant. Non, je vois pas, non. Je comprends pas ce que tu dis, excuse-moi, je... Vous comprenez d'autres idiots ? Non, je ne vois pas, non, je ne comprends pas, non, je ne comprends pas. Comment c'est possible que ce soit comme ça et pas autrement ? Comment ce soit alors que là, rien ne fait. Que la mort nous sépare. Thank you. Thank you. Scaphandrier go. Scaphandrier go. Thank you. enfer et sur terre. Et sur terre.